La construction de l'avenue du Mion bat son plein à la dernière étape. Les travaux de finissage de l'intérieur des immeubles d'habitation sont au niveau de 99%. Ayant terminé l'installation des pièces, les constructeurs concentrent les efforts aux travaux de haute technique. L'intérêt primordial est accordé à l'assurance de la qualité, notamment l'observation des exigences du règlement et des méthodes de construction dont les travaux de peinture intérieure en cours, tout en accomplissant sans faillir le plan journalier.